HK, premier afro peu drap, bois ta vue, on a niqué le compteur YouTube. On s'est fait déjà péta, mais ta reçue, elle est à la fissure, le tube. Leur groupe, y'a des putains, quand tu passes sur la ligne, belle avec ton attitude. La monnaie, le butin, t'as que je gagne, c'est ce qu'on veut, ça c'est comme d'habitude. On aime trop le choca, j'ai des gaines, le gars, tu sais, chica. Comme dit le plat, quoi, ça choira, 20% plus qu'à. Sur le côté, y'a les gava, mon boy et ma corps, et le poteau s'en bat. Tu veux un texte, ramène 100 balles, à force de cabré, à moins de monde à la salle. Même sur de la faute trappe, t'es fait du sol. Même sur de la faute trappe, t'es fait du sol. HK, mon gava, pourquoi la concu est en minable? J'ai le carpé, pas besoin de bravard. Les termines toujours gagneraient sur table. Mais bon, bref, avec mon équipe, donc qui gobe les ton regard. Car la dinguerie qu'on te fera pas très vite passer sous le regard. Tant ça rapporte pas les couches, continuerai la hagar. Cause du sang plus ramiré, vous en place une mélasca. Oh merde, c'est une âme dans ce game, ce que je vois. Ça doit s'invente des vies pour des femmes martelles. Non, mais quoi tu vois? La mise à l'échec frère qui est bleu là, tout couteau ta mouchard qui est bleu là. On veut tous ces vaisseaux à Marbella, de pour ça on prendra gaiement l'une. Qui est bleu là, qui est bleu là, qui est bleu là, qui est bleu là, qui est bleu là, qui est bleu là, qui est bleu là, qui est bleu là, qui est bleu là, qui est bleu là, qui est bleu là, qui est bleu là, qui est bleu là, qui est bleu là, qui est bleu là. La mise à l'échec frère qui est bleu là, tout couteau ta mouchard qui est bleu là. On veut tous ces vaisseaux à Marbella, de pour ça on prendra gaiement l'une. Qui est bleu là, qui est bleu là, qui est bleu là, qui est bleu là, qui est bleu là, qui est bleu là, qui est bleu là, qui est bleu là, qui est bleu là, qui est bleu là, qui est bleu là, qui est bleu là, qui est bleu là, qui est bleu là, qui est bleu là. Les paroles sont sentées, le flow il est bon. Vu que ton rappeur fait les dames, y'a qu'un. Tu dois du worry, j'ai pas de conversation. Depuis qu'on est là, la concu, je la vois plus. Quand tu vois ta vie validée, ouais, c'est bon. C'est moi qui commande, donc t'es gros, fais pas gros. J'suis pas trop tôt, pas trop, donc tu blâches le bâton. Ah bon, moi c'est Mundala ou Chagola. Si on m'a ta copine, elle a qui est quand. Bouillon, t'es pas là, y'a du check. Mais quand y'a les tchétés, t'es toujours là. Tu pas la fille, un gros dharma. Quand elle danse, un fait que ta voix t'a vu, qu'est Bola, on court après ce cas, j'suis de Sirota, pourquoi il se cache? Je fais feu, Martel, est la chonga, maromba, travaille ça. Au charbon, nuit et jour, ouais, pour des lovés, j'cache mes sous dans la salle, demande à m'envoyer, qu'est-ce que je reprends, ouais, plutôt tu connais le micro, c'est une bitch, la casse comme un DP, la concu est tachée. Ça va des vécu pour gérer des aspects, j'avance sur flog, en goût, j'y vais vendre, ça dégaine, tarpée pour une somme, tu connais, pour une somme, tu connais, pour une somme, tu connais. La vie, c'est les frais qui est bleu là, tout pour ton tamouchard qui est bleu là, on veut te sauver ça, Marbella, donc pour ça, on prendra gaiement le nœud. Qui bleu là, qui bleu là, qui bleu là, qui bleu là, qui bleu là, qui bleu là, qui bleu là, qui bleu là, qui bleu là, qui bleu là, qui bleu là, qui bleu là, qui bleu là, qui bleu là, qui bleu là. La mise à l'échec frais qui bleu là, tout couteau ta mouchard qui bleu là. On veut tous ces vaisseaux à Marbella, donc pour ça on parlera rien moins le. Qui bleu là, qui bleu là, qui bleu là, qui bleu là, qui bleu là, qui bleu là, qui bleu là, qui bleu là, qui bleu là, qui bleu là, qui bleu là, qui bleu là, qui bleu là, qui bleu là, qui bleu là. Préfère vendre du pilon que finir sous le bongo. Pour suite t'es chargé, t'es sa vie dans le buisson. T'as voulu calme, ça laissera la vision. Sur ta tête un billet, c'est comme ça qu'on fonctionne. Nos rues sont bleues, on fait le tour, c'est à ton c'est clair. Et chaque aïe en a prêt à tout pour le 5-4-7-5. Ouais t'as vu, on humait ma touquette. Nous on baise la bébé, tout ce qui va avec. Il a dit l'air mon gars, riposte et pourquoi faire. On est trois lambous, ça nous c'est dès que des gens pour lui sont encore en pousse. Arrache mon diable petit pont comme un gamaramba, comme un gamaramba. La vie c'est les cheveux frais qui bleu là, tout pour ton tamouchard qui est bleu le. On veut tout sauver sur Marbella, donc pour ça on prendra gaiement le. Qui bleu là, qui bleu le, qui bleu